Et je continue ma route. Il se tourna vers Rousseau. C'est bien ça, dit-il. C'est bien ça, répondit Rousseau. Pour lors, reprit Gatelier, je continue ma route. Marche, marche, je marche. Et puis, voilà que je me retourne. Il n'y avait personne sur le chemin. Je me dis, c'est drôle. Donc, ils sont passés. Et je reviens sur mes pas. C'est ben long, je dis. On a un peu peinté, ça c'est vrai. Mais tout de même, c'est ben long. Et j'arrive à l'endroit où Rousseau avait monté, le talus. Je grimpe la haie et tout. Je regarde dans le fossé. Bon Dieu, je dis, c'est Rousseau qui est sur ma femme. Pardon, excuse-moi, monsieur le juge. Mais voilà ce que je dis. Rousseau était donc sur ma femme, sur votre respect. Et il gigotait dans le fossé. Non, fallait voir comme il gigotait, ce sacré Rousseau. Ah, bougre. Ah, salaud. Ah, propre à rien. Eh, gars, que j'ai crié du haut du talus. Eh, Rousseau. Voyons, finis donc, animal, finis donc. C'est comme si je chantais. J'avais bien idée de finir, et là, gigotais que plus fort le matin. Alors, je descends dans le fossé, j'empoigne Rousseau, passe sa blouse, et je tire. Laisse-moi finir, qui me dit. Laisse-le donc finir, qui me dit ma femme. Oui, laisse-moi finir, qui reprend. Et je te donnerai un demi-pistole. Là, t'entends bien, gars. Un demi-pistole. Un demi-pistole, je dis, en lâchant sa blouse. C'était bien vrai, ça? C'est bien vrai. C'est juré? C'est juré. Non, tout de suite. Non, quand je l'aurai fini. Eh bien, fini. Et moi, je reviens sur la route. Gatelier prit pour la troisième fois Rousseau à témoin. C'est-il bien ça? C'est bien ça, répondit Rousseau. Gatelier poursuivit. Vous entendez, monsieur le juge? Vous entendez? C'était promis, c'était juré. Quand il eut fini, il revint avec la gatelière sur la route où ce que je m'étions assis en les attendant. Madame Pistole, que je demandais. Demain, qui fait? Je n'ai pas tant seulement de lien soumé. Ça pouvait être vrai. Je te mentirai là. Je ne dis là. Et nous voilà qui continuons notre route. La gatelière, ma femme, et puis Rousseau, ensemble. Mais je chantais. Rousseau agaçait ma femme. Et la gatelière disait tout le temps. Finis donc, Rousseau, bon Dieu, que t'es donc bête, t'es donc effant. En nous séparant, je dis à Rousseau, attention mon gars, c'est juré. C'est juré. Je me donne une poignée de main, fais mignon à ma femme, et puis leve la partie. Eh bien, monsieur le juge, piston là, jamais il n'a voulu me payer la demi-pistole. Et le pute faux, c'est pas plus tard qu'avant-hier, quand j'ai réclamé mon dû, il m'a appelé cocu. Sacré cocu qui m'a fait, te peux bien te fouiller. Voilà ce qu'il m'a dit. Et c'était juré, monsieur le juge. Juré, tout ce qui a pu te jurer. Le juge de paix était devenu très perplexe. Il se frottait la joue avec sa main, regardait le greffier, puis l'huissier, comme pour leur demander conseil. Évidemment, il se trouvait en présence d'un cas difficile. Fit-il. Puis il réfléchit quelques minutes. Et toi, la gatelière, que dis-tu de ça? Demanda-t-il à une grosse femme assise sur le banc, son panier entre les jambes, et qui avait suivi le récit de son mari avec une gravité pénible. « Mais je dirais, hein, » répondit en se levant la gatelière, « mais pour ce qui est d'avoir promis, d'avoir juré, monsieur le juge, bien sûr, il a promis la demi-pistole, menteux. » Le juge s'adressa à Rousseau. « Qu'est-ce que tu veux, mon gars? Tu as promis, n'est-ce pas? Tu as juré ?» Rousseau tournait sa casquette d'un air embarrassé. « Ben oui, j'ai promis, dit-il, mais je vais vous dire, monsieur le juge, un demi-pistole, je peux pas payer ça, c'est trop cher. Ça ne vaut pas ça, vrai de vrai. »« Eh bien, il faut arranger l'affaire. Une demi-pistole, c'est peut-être un peu cher, en effet. Voyons, toi, Gatelier, si tu te contentais d'un écu, par exemple. »« Oh non, non, point un écu, la demi-pistole, puisqu'il a juré. » Réfléchis, mon gars, un écu, c'est une somme. Et puis Rousseau paiera la goutte par-dessus le marché. C'était convenu comme ça? Les deux paysans se regardèrent en grattant l'oreille. « Ça va-t-il, Rousseau ?» demanda Gatelier. « Tout de même, » répondit Rousseau, « sommes-ils pas des amis ?»« Eh bien, c'est convenu. » Ils échangèrent une poignée de main. À un autre, cria le juge, pendant que Gatelier, la Gatelière et Rousseau quittaient la salle, lentement, le dos rond, les bras ballants.